Isaac, tu connais l'histoire de la grenouille et du scorpion? Non, Ben. Le scorpion demande à la grenouille de l'aider à traverser la rivière en le portant sur son dos. La grenouille lui répond, non, non. Si je te porte, tu me piqueras et je mourrai. Le scorpion lui dit, oh, voyons, sois logique. Si je te pique, nous nous noierons tous les deux. Alors la grenouille laisse le scorpion grimper sur son dos. Arrivé au milieu de la rivière, le scorpion plante son aiguillon dans le cul de la grenouille. Alors qu'elle est en train de couler et qu'ils vont tous les deux se noyer, la grenouille l'interroge. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais ce que le scorpion lui dit? Quoi? C'est dans ma nature. Moralité, on change pas, on est comme on est. Et j'en veux plus. C'est ce que j'ai toujours voulu, j'en ai toujours voulu. Plus. Mais dites bien là-dessus, pendant que nous traversons la rivière de la vie ensemble.